Maman m'a fait avec un fantôme. J'ai tout appris dans les virages. Pareil qu'on peut crever de tristesse. J'préfère ça que de caner d'ennui. Dépêche-toi de mourir ou dépêche-toi de vivre. Mon ange de gauche du côté passager imite la voix du GPS. Donc j'accélère en faisant des appels de phare au CRS. Bouteille presque vide, mon genou presque plein. J'ravale ma salive, j'ai la voix qui tremble, j'ai un peu faim. Vouloir tout niquer c'est un truc de gosse. La vie me sourit déjà, mais moi je veux qu'elle mette plus de glace. Laisse-moi mater par la fenêtre si je veux. Laisse-moi entendre le bruit des gouttes s'il pleut. Je veux juste plus trembler devant le distributeur. Entendre le bruit d'une porte qui te claque à la gueule. Il me reste trop de souvenirs dans la tête. Avant que ça ne devienne des fantômes, je garde ces images dans ma veste. Il me reste trop de souvenirs dans la tête. Avant que ça ne devienne des fantômes, je garde ces images dans ma veste. Frérot, sous Xanax, une tape dans le dos, t'inquiète, ça passera. Une dose de trop et tu pars dormir dans les nuages. Et le bruit du vent te rappelle la main de ta mère qui passait dans tes cheveux, qui soufflait l'air. C'est pour les autres, pendant que papa crie devant les chevaux. Des terres comme Daro à la cave, un air sévère, comme si tout était noir. Tu veux qu'on fasse quoi? Yeux rouges dans le quechua, un lever de soleil de plus. Une clope à l'arrêt de bus, un fond de Red Bull. J'ai laissé mes fantômes derrière des murs. Il me reste trop de souvenirs dans la tête. Avant que ça ne devienne des fantômes, je garde ces images dans ma veste. Il me reste trop de souvenirs dans la tête. Avant que ça ne devienne des fantômes, je garde ces images dans ma veste. Dans ma tête.